j'ai suicidé que les docteurs allant n'ont jamais songé à se suicider. Il a dû y penser avant d'avoir le poste pour se consoler d'une idée cinématographique, mais il passe à côté des Suicide Girls et il prétend en connaître des camps dans le deux centre guerre. Moi j'ai lu Werther en 1987 en compagnie de deux Suicide Girls de l'époque à mon tour. Mais dans le groupe, il fallait que celui qui aille plus loin dans le flirt avec la mort soit notre jeune Billy Raoul. La question était la dose de pause, parce qu'une pause est tuée, la pause masculine. Les gourous étaient jaloux de moi, même s'ils ne savaient ni de peur et moi à l'époque. Ce sont donc les deux filles qui m'ont initié avec la lecture de Werther. Ma préférée, les yeux cernés et les longs cheveux noirs de pêche à ta grande, le sperme blanc. Son visage était Anna-Maria qui était libre et qui s'est montrée ostensiblement solitaire. Je lui ai déclaré dans une glaciologie de haute diplomatie mon amour au pupitre. La compétition était dure. Le gourou avait 16 ans et sa propre culture. Il méprisait la mauvaise qualité des cours de latin. Évidemment, un grec ancien, il devait se rendre comme nous tous les quelques peu d'élèves inscrits à l'évidence tout providentiel enseignant qui savait introduire le sublime dans l'exigence. Un professeur décidé à épater cette troupe de génies que nous étions et qui nous mettait à un niveau supra-universitaire, nous devions mémoriser les lois phonétiques, comédico grec démotique, et ne pas perdre de vue l'esprit d'un Humboldt. Je pense que c'est tout ce qui nous a fait travailler et tous les sueurs froides et les concentrations à faire des fiches précieuses pour tout oublier. C'est qui nous a sauvés, surtout Raoul Dupré. La compétition avec Raoul a pensé que ce soit les filles qui me fassent lire les premiers, mais selon du romantisme noir de sublime, ces fameux Werther. Non pas celle de Raoul qui ne pouvait être transmise aux filles. Prendre des photos des cadavres à l'ossuaire clandestinement au cimetière sous céleste. Il dessinait des nonnes vieilles et furieuses les unes jeunes, cantant que les portraits de sa fiancée d'Anna Maria. Le suicide de Raoul de prime abord, c'est-à-dire ses tentatives à l'époque, m'est apparu comme une affaire adolescente. Ce qu'était de facto le cas et n'avait pas le degré de souffrance de mon impression. De prime abord, le courrier m'avait apparu comme un potentiel apprenti ou plutôt un préfet. Sentais les nombris, mon corps était jeune et bon à rien. Je vais un jour la chercher.